Le père de Sainte Thérèse par Céline. Les derniers jours. Le dimanche 27 mai 1894, j'étais à Caen, chez ma cousine, Madame Lanéel, pour lui aider à son reposoir de la fête Dieu, lorsque papa, à Lisieux, eut une grave attaque, et on lui administra les derniers sacrements. Le docteur de Cornière était accouru. Il espérait que la paralysie étant fixée au bras gauche, cela pouvait s'arrêter ainsi. Au reçu du télégramme que m'envoya mon oncle, je revins en toute hâte, suppliant le bon Dieu d'être là pour le recevoir le dernier soupir de notre bien-aimé père. En fait, quand je fus près de lui, le mal était conjuré. Le 5 juin, accès cardiaque très sérieux. On vient me chercher immédiatement à la messe de 7 h, à Saint-Pierre, où je me trouvais avec ma tante et Marie Guérin. Ce jour-là, je narrai ainsi la chose à mes sœurs. Ce matin encore, papa a eu une crise extrêmement violente, pendant que j'étais à la messe, où on est venu me chercher. Cette crise n'était plus une attaque de paralysie comme la dernière, c'était une crise de cœur. Mon oncle m'a dit que papa avait une maladie de cœur très prononcée et qu'il l'emporterait. Il regarde son état comme très grave, quoique, cependant, il n'y paraisse plus ce soir. 2 heures après la crise, on n'aurait jamais dit que papa avait été si mal et, quand j'étais parti à la messe, il allait très bien. Cela prend tout à coup. Il paraît que ce pauvre petit père est devenu violet et que son cœur ne battait plus. Mon oncle a encore cru que j'allais arriver trop tard. En effet, rien que le temps du trajet, en courant, je ne pouvais que le retrouver guéri de mort. Le bon Dieu a voulu que je ne sois pas privé de l'assister à ses derniers instants. Aidez-moi, mes chères petites sœurs, à le remercier. Oh, priez bien pour nous deux, papa et moi. Mon cœur est sans cesse émotionné. Pourtant, papa est bien ce soir. Il repose. Je ne sais pas quand j'irai vous voir, je n'ose plus sortir. Léonie m'écrit qu'elle est reprise de son eczéma à la tête, causé par la coiffure nuit et jour, j'en suis tourmentée. Le 7 juin, billet de Marie Guérin à sa sœur. Mon oncle a bien du mal à se remettre de sa dernière crise. Par moments, il respire très fort et reste ensuite sans avoir l'air de respirer du tout. Il paraît bien anéanti, bien abattu. Néanmoins, une amélioration permit notre départ pour la Musse, le 5 juillet. Ma tante en rend compte à sa mère, Madame Fournet. Je viens dès ce matin te donner de nos nouvelles. Notre voyage s'est très bien passé. Monsieur Martin l'a très bien supporté, si ce n'est qu'il se soutient moins que l'année dernière et qu'il faut le porter complètement. Nous n'avons eu aucun embarras. Aussi, mon mari est bien content, la Musse est toujours si belle. Le 28 juillet, notre père vénéré eut une nouvelle crise de cœur, moins violente que la dernière fois, mais plus continue. Le soir, monsieur l'abbé Chillard, curé de Saint-Sébastien, lui renouvela l'extrême onction. Mon oncle était absent. Parti à Lisieux prononcer un discours à la distribution des prix de l'école des frères. Il devait rentrer dans la nuit. Le 29, à 5 h du matin, Désiré vint me chercher. Ce pauvre petit père avait les yeux fermés, sa respiration était forte et régulière. Peu après, le domestique, le docteur et Madame Lanéel, avec un groupe du personnel de la Musse, partaient en voiture à Évreux, pour assister à une messe matinale et revenir à temps afin qu'un autre groupe fût conduit à Saint-Sébastien, pour la messe dominicale de 8 h. C'est pendant cette première absence que je gardais papa presque seul. Ma tante allait et venait à son chevet. Vers 7 h 3 quarts, nous nous aperçûmes que mon cher petit père était glacé. Ma tante me quitta pour préparer des bouteilles d'eau chaude et avertir mon oncle qui se reposait des fatigues de la nuit. Je priais avec angoisse, demandant au bon Dieu de m'inspirer ce que je devais faire, car je ne m'étais jamais trouvé au chevet d'un mourant. Alors, Je dis très haut ces trois invocations. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix dans votre sainte compagnie. À ce moment, mon Père chéri ouvrit les yeux et les reposa sur moi avec une affection et une reconnaissance indicibles. Ils étaient pleins de vie et d'intelligence. Et puis, il les referma pour toujours. Presque aussitôt, ma tante revenait et mon oncle ensuite. La respiration de mon cher petit père devint tout à coup très faible et, doucement, comme un enfant qui s'endort, son âme bienheureuse s'envola au ciel. Il était 8h15 du matin. Papa avait 71 ans moins un mois. Nous étions seuls, mon oncle et moi, au moment de sa mort. Pendant son agonie, mon oncle approcha plusieurs fois le crucifix de ses lèvres, et moi, me levant, je posai mes doigts sur les paupières closes de mon père bien-aimé. Il avait une telle expression de joie et de sérénité surnaturelle que, d'instinct, on croyait voir Saint Joseph sur son lit de mort. La photo, d'ailleurs, impose ce rapprochement. J'écrivis à mes sœurs du Carmel, « Papa est au ciel ». J'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux. Son beau visage a pris aussitôt une expression de béatitude, de calme si profond. La tranquillité est peinte sur ses traits. Il s'est éteint doucement à 8h15. Mon pauvre cœur s'est fendu au moment suprême, un flot de larmes a baigné son lit. Mais j'étais heureuse, au fond, de son bonheur, après le martyre terrible qu'il a enduré et que nous avons partagé avec lui. Cette nuit, dans un sommeil plein d'angoisse, me réveillant soudain, j'ai vu, au firmament, comme un globe lumineux. Et ce globe s'est enfoncé dans l'immensité du ciel. Aujourd'hui, c'est l'évangile des cinq vierges sages. Aujourd'hui dimanche, le jour du Seigneur, et Papa restera avec nous jusqu'au 2 août, fête de Notre-Dame des Anges. Votre Céline. P.S. Nous arriverons probablement demain. Hier soir, Papa a reçu l'extrême onction, l'absolution et l'application des indulgences. Mon oncle a dit que jamais il n'avait vu une mort aussi paisible. Notre père fut déposé dans un cercueil de chêne plombé. Monsieur le curé de Saint-Sébastien, très ému, annonça son décès au prône de sa messe en faisant l'éloge du vénérable patriarche. Le jeudi 2 août, eut lieu l'office des funérailles à la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Une foule nombreuse et sympathique escorta le char funèbre jusque sur la colline du cimetière. Après tant d'épreuves humiliantes, son inhumation fut en quelque sorte triomphale. Peu après, on célébrait un service solennel dans la chapelle du Carmel, rempli d'une assistance sympathique pour le vénéré défunt. Nous en reçûmes des témoignages émouvants. On remarqua surtout les rappels discrets de cantiques bien connus que modulait l'harmonium, tel celui-ci, heureux qui, dès son enfance, soumis aux lois du Seigneur, n'a pas, avec l'innocence, perdu la paix de son cœur. Le ciel est ma patrie, je suis du peuple des élus, mon frère s'appelle Jésus, et ma mère, Marie. L'image mortuaire consacrée à sa mémoire reproduisit la sainte face vénérée à Tours. On y ajouta les versets scripturaires qui éclairaient son offrande, puis quelques paroles de lui, une de ses prières préférées, enfin l'appréciation de ses amis sur sa charité. De Québec, le 30 juillet, le Père Pichon nous adressa la lettre suivante, « Mes chers fils en Jésus-Christ, le ciel nous a donc ravi le bien-aimé patriarche. Aurons-nous le courage de pleurer son bonheur? Après une telle vie, il a dû être si bien accueilli là-haut. Je le vois nous sourire doucement du rivage éternel où, demain, nous le rejoindrons, de la patrie où il a retrouvé ceux qui, depuis longtemps, l'attendaient. Voyez-le, Mes chers enfants, voyez-le, votre bien-aimé Père, dans les bras de votre Sainte Mère, entouré de sa famille céleste. Il vous faudra bien alors sourire à Jésus qui ne vous l'enlève que pour le béatifier. J'oserais dire que, maintenant, il est plus vôtre que jamais, ou bien plus vôtre que durant ces 6 années de long purgatoire, où nous l'avons vu mort à la terre sans vivre au ciel. Je ne sais quelle douce émotion m'a envahi, hier soir, lorsque le câblogramme m'est parvenu. Je me suis jeté à prier pour lui, le saint vieillard, et à l'invoquer. Ce matin, j'ai célébré à son intention le saint sacrifice. Demain, je renoncerai pour lui à la messe de saint Ignace, que je me réserve chaque année, et mon calice va être tout à lui, autant que j'en pourrai disposer. Je vous bénis toutes et chacune, au nom de notre Seigneur, du vénérable patriarche et au mien. Thérèse devait plus tard exprimer dans sa poésie, ce que j'aimais, mes sentiments à l'égard de mon bien-aimé malade et de son trépas si consolant. À mon père, dans sa vieillesse, je ferai l'appui de ma jeunesse. Il m'était tout, bonheur, enfant, richesse. Ah, je l'embrassais tendrement souvent. Nous aimions le doux bruit de l'onde, l'éclat de l'orage qui gronde. Le soir, en la solitude profonde, du rossignol au fond du bois la voix. Mais un matin son beau visage du crucifix chercha l'image. De son amour il me laissa le gage, me donnant son dernier regard, ma part. Et de Jésus la main divine prit le seul trésor de Céline, et l'emportant bien loin de la colline, le plaça près de l'Éternel, au ciel. Thérèse consolait encore Léonie dans sa lettre du 20 août 1894. « La mort de papa ne me fait pas l'effet d'une mort, mais d'une véritable vie. Je le retrouve, après 6 ans d'absence, je le sens autour de moi, me regardant, me protégeant. » On sait qu'elle intéressa le nouvel élu à mon entrée au Carmel, qui rencontrait de grandes difficultés, elle s'en explique dans son manuscrit. Du haut du ciel, mon roi chéri qui, sur la terre, n'aimait pas les lenteurs, se hâta d'arranger les affaires de sa Céline. Un jour que les difficultés semblaient insurmontables, je dis à Jésus pendant mon action de grâce, « Vous savez, mon Dieu, combien je désire savoir si papa est allé tout droit au ciel, je ne vous demande pas de me parler, mais donnez-moi un signe. Si ma sœur, A2J, consent à l'entrée de Céline ou n'y met pas d'obstacle, ce sera la réponse que papa est allé tout droit avec vous. Cette sœur, comme vous le savez, ma mère chérie, trouvait que nous étions déjà trop de trois, et, par conséquent, ne voulait pas en admettre une autre. Mais le bon Dieu, qui tient à sa main le cœur des créatures et l'incline comme il veut, changea les dispositions de la sœur. La première personne que je rencontrai après l'action de grâce, ce fut elle qui m'appela d'un air aimable, me dit de monter chez vous, et me parla de Céline les larmes aux yeux. J'entrai en effet, au Carmel le vendredi 14 septembre 1894. J'y pris l'habit le 5 février suivant. À cette occasion, le prédicateur fut Monsieur le chanoine du Cellier, doyen de Trévières, ancien vicaire de Saint-Pierre. Il avait très bien connu papa et évoqua son souvenir avec vénération, ce qui arracha au père Pichon ce cri d'allégresse. Le saint patriarche glorifié après ses humiliations. Voilà un de ces coups de la Providence où se révèle le cœur de Dieu. La mémoire de notre Père laissa un parfum durable. L'année qu'il suivit sa mort, Marie Guérin m'écrivait de la muse de longues lettres dont j'extrais, c'est là, certains passages. J'ai fait mon petit pèlerinage en descendant de voiture. J'ai été dans la chambre de mon oncle, et là, tous les souvenirs ont abondé. J'ai tout revu, je me plongeais dans l'idée que, là, il avait vu le bon Dieu et qu'il en avait été si bien reçu. Il me semblait que j'allais voir aussi quelque chose du ciel, et mon oncle m'a donné cette pensée en songeant au jugement particulier. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Je suis partie, depuis, cette pensée ne me quitte pas, elle est restée gravée en mon esprit. Je me rappelle aussi avec un brisement de cœur la douleur de ma Céline que je ne pouvais consoler, je revois la scène du dernier baiser, et alors, malgré moi, les larmes jaillissent de mes yeux. J'ai revu aussi les moindres incidents des derniers jours, pendant que nous restions tous deux près de lui. Ainsi mon séjour est-il mélangé de tristesse et de joie, il me semble entendre, tous les soirs, le bruit, devant le perron, de la petite voiture où l'on emmenait mon bon oncle, et je suis tout étonnée, quand je me penche par la fenêtre, de ne pas l'apercevoir. Que de souvenirs, si tu savais. Ils sont doux malgré leur tristesse, parce que tout s'y est passé si doucement qu'ils laissent comme un baume après eux. Le 28 juillet, veille du premier anniversaire du départ de notre père pour l'éternelle patrie, elle m'adressait encore ces lignes. Je veux que tu reçoives aujourd'hui un mot de ta petite Marie, te prouvant que je pense beaucoup à toi, ces jours-ci. Je n'oublie pas, je t'assure, tout ce qui s'est passé il y a un an, et mes pèlerinages à la chambre de mon oncle vont devenir plus fréquents que jamais. Comme je te le disais au mois de mai, je ne puis passer devant cet appartement sans être malgré moi, saisi d'un sentiment sérieux, calme, qui me parle de l'autre monde et me remplit l'âme. Cela m'arrive bien souvent et sans aucune préparation de ma part. Je suis saisi, c'est le vrai mot. Je ne sais pourquoi, mais cet anniversaire, qui est triste par lui-même, ne me fait pas du tout cet effet-là, il est tellement certain que mon oncle est entré au ciel ce jour-là, que c'est plutôt un sentiment de bonheur que j'éprouve en pensant à sa délivrance. Qu'il est heureux maintenant, mais qu'il l'a bien mérité. Au demain, je me promets de lui demander bien des grâces et je suis certaine de les obtenir en ce jour. Quand on se rappelle et que l'on a gravé dans l'esprit son beau visage calme et exprimant un bonheur si paisible, il est impossible que cela ne remplisse pas l'âme et ne la porte pas à aimer le bon Dieu. Demain, il y aura à Saint-Sébastien une messe commémorative, elle a été annoncée aujourd'hui à la grand-messe. Par la suite, la propriété de la muse fut vendue à plusieurs reprises. Le premier acquéreur fut le comte de la Bourdonne et la comtesse transforma en oratoire la chambre où notre père avait rendu le dernier soupir. Actuellement, ce joli domaine est devenu un sanatorium pour tuberculeux. L'un des médecins-chefs favorise à l'érection, sur l'esplanade, face au château, d'un buste de notre vénéré père avec celui de sa sainte Benjamine, penché sur son cœur. Ce gracieux monument est toujours entouré de soins et de fleurs. Un médecin de l'établissement nous écrivait, en 1937, « J'avais, en pensant à M. Martin, l'impression que j'entrais dans une maison qu'avait habité un saint. » Il faut noter que, pour la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un grand tableau la représentant demandant à notre Père d'entrer au Carmel, fut placée sur la façade de la porte de bronze, à Rome, et l'enveloppait ainsi dans son auréole de gloire. Notre sainte, en évoquant les longues années crucifiantes que nous avions vécues, traduisait ainsi sa reconnaissance. « Soyez bénis, mon Dieu, pour les années de grâce que nous avons passées dans les maux. » Il est à remarquer que ce fut précisément cette parole, que le pape Pionce fit graver, en latin, sur le cachet pontifical, nommé Ruota, qui servit, pour la première fois, à sceller la bulle de canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le bon Dieu l'avait gardée dans son cœur, alors qu'elle jaillissait des nôtres au soir de notre si pénible épreuve. De cette grande douleur qui reste notre grande richesse, je veux laisser ma sainte petite sœur tirer la conclusion, avec son surnaturel génie. Faisant allusion à la bénédiction de Léon XIII sur notre incomparable Père, elle écrivait dans son autobiographie « À maintenant qu'il est au ciel, ce Père de quatre carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyr, C'est la main de l'époux des Vierges, du roi de gloire, qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur, et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial, partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.